Voici une lecture par Martine pour Audiocité de l'œuvre d'Ivan Tourguéniev, traduite par Louis Viardot. Journal d'un homme de trop. Chapitre 1. Au village d'O, point de suspension, 20 mars 1800. De suspension. Le médecin me quitte. Je l'ai obligé à s'expliquer enfin. Il a eu beau dissimuler, il lui a fallu me confesser toute la vérité. Je vais mourir. Oui, je vais mourir bientôt. Les rivières vont dégeler et je m'en irai probablement avec les derniers glaçons. Où irai-je? Dieu le sait. À la mer aussi. Eh bien, quoi? S'il faut mourir, autant vaut mourir au printemps. Mais n'est-il pas ridicule de commencer un journal peut-être 15 jours seulement, avant l'heure de la mort? Bah, qu'est-ce que cela fait? En quoi 15 jours diffèrent-ils de 15 ans, de 15 siècles? En face de l'éternité, tout est néant, dit-on. Soit. Mais dans ce cas, l'éternité même n'est que néant. Il me semble que je tombe dans la métaphysique. C'est mauvais signe. Aurais-je peur? Mieux vaut raconter quelque chose. Le temps est humide. Le vent souffle avec violence. Il m'est défendu de sortir. Que raconterai-je? Un homme bien élevé ne parle pas de ses maladies. Écrire un roman n'est pas de mon ressort. Raisonner sur de graves sujets est au-dessus de mes forces. La description des objets qui m'entourent ne m'offrirait aucun plaisir. Ne rien faire est ennuyeux. Lire me fatigue. Ah, je vais me raconter ma propre vie. Quelle bonne idée! Cette revue de soi-même est chose convenable avant la mort et ne peut nuire à personne. Je commence. Je suis né il y a 30 ans d'une famille de propriétaires aisés. Mon père était un terrible joueur. Ma mère, une femme de grand caractère et très vertueuse, mais je n'ai jamais connu de femme dont la vertu causa moins de plaisir. Elle s'affaissait sous le poids de ses mérites et en fatiguait tout le monde, à commencer par elle-même. Pendant les 50 années de sa vie, elle ne se reposa pas une seule fois, elle ne se croisa pas une seule fois les bras. Elle travaillait et s'évertuait comme une fourmi, mais sans aucune utilité, ce que nul ne dira d'une fourmi. Un ver infatigable la rongeait nuit et jour. Une fois seulement, je la vis parfaitement tranquille, et cela dans son cercueil, le lendemain de sa mort. Aussi son visage me semblait-il vraiment exprimer un silencieux étonnement. On aurait dit que ses lèvres à demi fermées, ses joues creuses et ses yeux paisiblement immobiles respiraient ses paroles. Qu'il fait bon de ne pas bouger! Oui, certes, il est bon de se dépouiller enfin de l'accablante conscience de la vie, de la sensation continue et inquiète de l'existence. Je grandis mal et sans joie. Mes parents me témoignaient de la tendresse, mais la vie ne m'en était pas plus douce. Ouvertement adonné à un vice dégradant et ruineux, mon père n'avait aucune autorité dans sa propre maison. Il reconnaissait son abjection. Et n'ayant pas la force de renoncer à la passion qui le dominait, il cherchait du moins à mériter l'indulgence de sa femme, par une soumission à toute épreuve. Ma mère supportait son malheur avec cette magnifique et fastueuse longanimité de la vertu dans laquelle respire tant d'orgueil et d'amour-propre. Elle ne faisait jamais de reproches à mon père, elle lui donnait silencieusement le fond de sa bourse et payait ses dettes. Présente ou absente, il la portait au nu. Mais il n'aimait pas rester à la maison, et il ne me caressait qu'en secret, à la dérobée, comme s'il eût craint de me porter malheur. Ses traits altérés avaient alors une telle expression de bonté, le rire fiévreux qui errait sur ses lèvres se changeait en un sourire si touchant. Ses yeux bruns, entourés de rides fines, s'arrêtait avec tant d'amour sur moi que je pressais involontairement ma joue contre sa joue humide et chaude de larmes. J'essuyais ses larmes avec mon mouchoir, mais elles recommençaient à couler sans effort, comme l'eau déborde d'un vase trop plein. Je me mettais aussi à pleurer, et il me consolait. Il pressait mes mains entre les siennes, et ses lèvres tremblantes me couvraient de baisers. Voilà déjà plus de 20 ans qu'il est mort. Et pourtant, chaque fois que je pense à mon pauvre père, des sanglots muets me montent au gosier, et mon cœur bat dans ma poitrine. Il bat avec tant de chaleur et d'amertume. Il est accablé d'une si douloureuse compassion qu'on croirait qu'il lui reste encore longtemps à battre et à regretter. Ma mère, au contraire, était toujours la même pour moi, bienveillante, mais froide. On rencontre souvent dans les livres écrits pour les enfants des mères toutes semblables, morales et justes. Elles m'aimaient, mais je ne l'aimais pas. Oui, j'évitais ma mère et je ne l'aimais pas. Oui, j'évitais ma mère vertueuse et j'aimais passionnément mon père vicieux. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Le commencement est fait. Quant à la fin, et à ce qui en adviendra, je ne m'en inquiète guère. C'est l'affaire de ma maladie. 21 mars. Le temps est magnifique aujourd'hui. Il est chaud et serein. Le soleil se joue gaiement sur la neige qui fond. Tout reluit, fume et se dissout. Les moineaux crient comme affolés autour des haies sombres et humides. Un air tiède m'irrite la poitrine et me cause une sensation à la fois douce et pénible. Le printemps arrive. Je suis assis à la fenêtre. Mon regard franchit la rivière et se repose sur les champs. Ô nature, nature, je t'aime, quoique je sois sortie de ton sein incapable de vivre. Voilà un petit oiseau qui déploie ses ailes et sautille. Il crie, et chaque vibration de sa voix, chaque petite plume ébouriffée de son corps mignon, respire la santé et la force. Que s'ensuit-il? Rien. Il se porte bien et a le droit de crier et de secouer ses plumes. Moi, je suis malade et je dois mourir, voilà tout. Ce n'est pas la peine de s'y arrêter davantage. Ces larmoyantes invocations à la nature sont ridicules à l'excès. Revenons à notre récit. Comme je l'ai déjà dit, je grandis péniblement et sans joie. Je n'avais ni frère ni sœur. On m'élevait à la maison. De quoi se serait donc occupée ma mère si on m'avait mis en pension ou envoyée dans un établissement public? Les enfants sont là pour empêcher les parents de s'ennuyer. Nous demeurions habituellement à la campagne et n'allions à Moscou que de temps à autre. J'avais des précepteurs et des maîtres selon l'usage. Je me souviens surtout d'un Allemand maigre et pleurnicheur du nom de Rickmann. Cet être extrêmement triste et maltraité du sort se consumait inutilement à regretter sa patrie lointaine. Plus d'une fois, tandis que dans l'affreuse chaleur d'une antichambre étroite, toute infectée de l'odeur aigre du kvass, mon vieux menin Basile, surnommé Loimal, jouait aux cartes avec le cocher Potape, vêtu d'une pelisse de mouton toute neuve et chaussé de ses grandes bottes frottées de goudron, plus d'une fois, dis-je, Rickmann chantait derrière la cloison. « Cœur, mon cœur, pourquoi si triste? Qu'est-ce qui t'oppresse si fort? La terre étrangère est si belle. Cœur, mon cœur, que te faut-il encore ?» Nous nous établîmes définitivement à Moscou après la mort de mon père. J'avais alors 12 ans. Mon père mourut une nuit d'un coup d'apoplexie. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Je dormais de ce profond sommeil dont dorment habituellement tous les enfants. Mais je me rappelle que j'entendais même à travers ce sommeil un ronflement pénible et pareil à un râle. Je sens tout à coup que quelqu'un me saisit par l'épaule et me secoue. J'ouvre les yeux. Mon menin est devant moi. Qu'y a-t-il? Venez, venez! Alexis Mikhaïlitch se meurt! Je me jette comme un fou à bas de mon lit et m'élance dans la chambre de mon père. Il est couché, la tête renversée en arrière, le visage tout rouge, et il râlait avec effort. Les domestiques se pressent à la porte avec des mines effarées, Une voix enrouée demande dans l'antichambre si on a envoyé chercher le médecin. J'entends les pas lourds du cheval qu'on fait sortir de l'écurie pour le conduire dans la cour. La porte cochère crie sur ses gonds. Une chandelle brûle par terre sur le plancher de la chambre. Ma mère se livre au désespoir, sans oublier toutefois ni les convenances, ni sa propre dignité. Je me précipitais sur mon père et l'embrassais en balbutiant. Papa! Papa! Il était étendu, immobile, roulant étrangement les yeux. Une terreur insurmontable m'ôta la respiration. Je poussai des cris d'effroi comme un oiseau qu'on aurait saisi avec rudesse. On m'entraîna hors de la chambre. La veille encore, comme s'il avait pressenti sa fin prochaine, mon père m'avait caressé avec tant d'ardeur et de tristesse. On amena un espèce de médecin endormi et velu qui répandait une forte odeur d'eau-de-vie. Mon père mourut sous sa lancette. Le lendemain, je me tenais, un cierge à la main, devant la table sur laquelle on avait couché le cadavre, et j'écoutais stupidement les monotones psalmodies du chantre, interrompues de temps à autre par la voix fluette du prêtre. Les larmes coulaient sur mes joues, sur mes lèvres, sur mon col et sur ma chemise. Je regardais continuellement, je regardais fixement le visage immobile de mon père, comme si j'eusse attendu quelque chose de lui. Et pendant ce temps, ma mère se prosternait lentement, la face contre terre, se relevait lentement et faisait le signe de la croix en appuyant ses doigts avec force sur son front, sur ses épaules et sur son estomac. Je n'avais pas une seule idée dans la tête. J'étais complètement stupide. Pourtant, je sentais que quelque chose de terrible s'accomplissait en moi. La mort m'a regardé alors en face et m'a remarqué. Mon père mort, nous allâmes demeurer à Moscou, et cela par une raison fort simple. Tous nos biens furent vendus à l'encan pour payer nos dettes, tous absolument, à l'exception d'une petite terre, la même où se termine maintenant ma magnifique existence. Quoique je fusse encore bien jeune alors, j'avoue que la vente de notre nid me fit souffrir, ou plutôt je ne regrettais, à vrai dire, que notre jardin. Ce jardin se trouvait lié presque au seul souvenir heureux de ma jeunesse. C'est là que, par une paisible soirée de printemps, j'enterrai un vieux chien à pattes torses, mon meilleur ami, un basset du nom de Trix. C'est là que, caché dans les hautes herbes, je mangeais des pommes volées, de ces pommes de Novgorod, vermeilles et douces. C'est là, enfin, qu'au milieu d'un carré de framboisiers, je vis pour la première fois une de nos femmes de chambre, Claudie, qui, malgré son nez camard et son habitude de rire en s'enfonçant la face dans son mouchoir, éveilla en moi une passion si tendre que sa présence me faisait perdre la respiration et la parole. Un jour de Pâques, lorsqu'arriva son tour d'appliquer ses lèvres sur ma main seigneuriale, je me souviens que je manquais me jeter à ses pieds pour baiser ses souliers de cuir tout déformés. Est-il possible, grand Dieu, qu'il y ait de cela 20 ans? Tant d'années se sont-elles écoulées depuis que je courais sur mon petit cheval alezan le long de la vieille haie de notre jardin, et que je me levais sur mes étriers pour arracher du peuplier blanc des feuilles à double nuance. Pendant qu'il vit, l'homme ne sent guère sa propre existence. Elle ne lui devient perceptible comme le son qu'à une certaine distance, après un certain temps écoulé. Ô mon jardin! Ô sentier couvert d'herbe autour du petit étang, ô charmant recoin sablonneux sous la vieille digue où je me livrais à la pêche des goujons et des tanches. Et vous, bouleaux aux longues branches pendantes, à travers lesquelles m'arrivait du chemin de traverse la chanson mélancolique d'un paysan qu'interrompait par moments les brusques chaos de sa téléga, je vous envoie mon dernier adieu. En quittant la vie, c'est à vous seul que je tends les bras. Je voudrais respirer, encore une fois, la fraîcheur amère de l'absinthe, la douce odeur du sarrasin coupé sur les champs de ma patrie. Je voudrais encore une fois entendre au loin le modeste tintement de la cloche fêlée de notre paroisse, m'étendre encore une fois à l'ombre du buisson de chêne sur la pente du ravin. Suivre encore une fois des yeux les traces fuyantes du vent qui court en vagues sombres sur l'herbe dorée de notre prairie. Bah, à quoi bon tout cela? Je ne puis plus écrire aujourd'hui. À demain. 22 mars. Aujourd'hui, il fait de nouveau sombre et froid. Ce temps-ci me convient davantage, il est en harmonie avec mes occupations. La journée d'hier est venue réveiller mal à propos bien des sentiments et bien des souvenirs inutiles. Cela ne se répétera plus. Ces épanchements de la sensibilité rappellent l'impression que vous fait la racine de réglisse. Au premier abord, et tant qu'on ne suce qu'un peu, le goût n'en est pas désagréable. Mais un instant après, la bouche en est tout amère. Je vais me remettre simplement et tranquillement au récit de ma vie. Nous allâmes donc à Moscou. Mais il me vient une idée. Est-ce bien la peine de raconter ma vie? Non, décidément. Ma vie ne diffère en rien de la plupart des autres vies. La maison paternelle, l'université, le service dans les grades inférieurs, la retraite, un petit cercle de connaissances, une pauvreté honnête, des plaisirs modestes, des occupations paisibles, des désirs modérés, dites de grâce. Qui donc ignore tout cela? Une autre raison pour ne pas compter ma vie, c'est que je n'écris que pour mon propre plaisir, et que si mon passé n'offre rien de particulièrement gai ou de particulièrement triste, même à mes yeux, c'est qu'en effet, il ne renferme rien qui soit digne d'attention. Mieux vaut essayer de m'expliquer mon caractère. Quelle espèce d'homme suis-je? On pourra me faire observer que personne ne me le demande non plus. J'en conviens. Mais je vais mourir. Et il me semble que c'est un désir pardonnable que celui de vouloir apprendre avant la mort quelle sorte d'oiseau l'on a été. Ayant dûment pesé cette importante question, et n'ayant d'ailleurs nulle raison pour m'exprimer avec trop d'amertume sur mon propre compte, comme le font les gens bien convaincus de leur mérite, je commence par convenir d'une chose. J'ai été l'homme, ou si l'on veut, l'oiseau le plus superflu de ce monde. Je le prouverai demain, car aujourd'hui je tousse comme une vieille chèvre, et Thérence, ma garde malade, ne me laisse pas un instant de repos. « Couchez-vous, mon petit père, et prenez du thé, » me dit-elle. Je sais bien qu'elle me presse ainsi parce qu'elle veut du thé elle-même. Eh bien, soit, pourquoi ne serait-il pas permis à la pauvre vieille femme de retirer tout le profit possible de son maître, tandis qu'il est temps encore. 23 mars. L'hiver est revenu. La neige tombe à flocons. Superflu. De trop. C'est une excellente expression que j'ai trouvée là. Plus je pénètre dans les profondeurs de mon être, plus je regarde attentivement dans ma vie passée, et plus je suis convaincue de la sévère justesse de cette expression. Superflu. C'est bien cela. Ce mot ne s'applique pas aux autres. Les hommes sont ou méchants, ou bons, ou intelligents, ou stupides, ou agréables, ou désagréables. Mais superflu, non. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, le monde peut se passer de ces gens-là, certainement, mais la superfluité n'est pas leur signe distinctif, et en parlant d'eux, ce n'est pas le mot « superflu » qui vous vient tout d'abord sur les lèvres. Quant à moi, c'est tout ce qu'on peut dire, superflu ou être surnuméraire, voilà tout. Il est évident que la nature ne comptait pas sur mon apparition, aussi m'a-t-elle traité en visiteur important et non invité. Ce n'est pas en vain qu'un plaisant grand amateur de cartes a dit à propos de moi que ma mère a fait une remise, comme au Boston, en me mettant au monde. À l'heure qu'il est, je parle de moi avec calme et sans aucun fiel. C'est une affaire finie. Pendant tout le cours de mon existence, j'ai trouvé ma place prise, peut-être parce que je ne la cherchais pas là où elle devait être. J'ai été susceptible, timide et irritable, comme tous les malades. Il y avait de plus en moi, probablement à cause d'un amour-propre excessif, et par suite de l'organisation défectueuse de mon être moral, un obstacle incompréhensible et insurmontable entre mes sentiments, mes idées et l'expression de ces sentiments et de ces idées. Lorsque je me décidais violemment à vaincre cet obstacle, à faire tomber cette barrière, toute ma personne prenait l'empreinte d'une tension pénible. Non seulement je paraissais affectée et guindée, je l'étais réellement. Je sentais cela et me hâtais de rentrer en moi-même. Un trouble épouvantable s'élevait alors dans mon for intérieur. Je m'analysais jusqu'à la dernière fibre. Je me comparais aux autres. Je me rappelais les moindres regards, les moindres sourires, les moindres paroles de ceux devant lesquels j'avais voulu briller. Je prenais tout dans le mauvais sens. Je riais amèrement de ma prétention d'être comme tout le monde. Et au milieu de mon rire, je m'affaissais tout à coup, je tombais dans un découragement inepte. En un mot, je m'agitais sans relâche, comme l'écureuil dans sa roue. Je passais des journées entières à ce travail infructueux et maussade. Et maintenant, dites vous-même, dites de grâce, à quoi un homme pareil peut être utile? Pourquoi en est-il ainsi de moi? Quel est le motif de ces sombres tracasseries intérieures? Qui le sait? Qui me le dira? Je me souviens que je pris un jour la diligence pour aller à Moscou. La route était bonne, et pourtant le postillon attela un cheval de volée de front avec les quatre autres. Misérable et parfaitement inutile, attaché n'importe comment à l'avant-train par une corde épaisse et courte qui lui coupait sans pitié la cuisse, lui frottait la queue, le forçait à courir de la façon la plus grotesque et donnait à tout son être l'aspect d'une virgule. Ce misérable cheval excitait toujours ma plus profonde compassion. Je fis observer au postillon qu'il me semblait qu'on aurait pu se passer du cinquième cheval. Il secoua la tête, lui donna une dizaine de coups de fouet dans toute la longueur de son dos décharné, de son ventre bouffi, et marmotta avec une sorte d'ironie. C'est vrai, il est de trop. Moi aussi je suis de trop. Le relais, heureusement, n'est plus loin. Superflu. J'ai promis de prouver la justesse de mon opinion, et je vais remplir ma promesse. Je ne crois pas nécessaire de m'arrêter à mille bagatelles aux événements et incidents de chaque jour, quoiqu'ils puissent servir, aux yeux de tout homme réfléchi, de preuves incontestables en ma faveur, ou, pour mieux dire, en faveur de ma manière de me juger. Mieux vaut commencer de prime abord par le récit d'un fait assez important, après lequel il ne restera probablement plus le moindre doute au sujet de l'exactitude du mot superflu. Je n'ai pas, je le répète, l'intention d'entrer dans les détails, mais je ne puis passer sous silence une circonstance assez curieuse et remarquable, l'étrange conduite de mes amis avec moi, car j'avais aussi des amis. Chaque fois que je me trouvais sur leur chemin ou que je m'approchais d'eux, ils semblaient mal à leur aise. Ils souriaient d'un air contraint en venant à ma rencontre, fixaient leurs regards non sur mes yeux ou sur mes pieds, comme le font certaines gens, mais plutôt sur mes joues, me tendaient la main d'un air pressé, disaient d'un air pressé « Ah bonjour, Tchoulkatourine !» Le sort m'avait affublé de ce nom, ou bien « Voilà Tchoulkatourine !» et s'en allaient aussitôt. D'autres s'arrêtaient même quelquefois immobiles, comme s'ils cherchaient à se rappeler quelque chose. Je remarquais tout cela, car je ne manquais ni d'observation, ni de perspicacité. En somme, je ne suis pas bête. Il me vient même parfois à l'esprit des pensées assez amusantes et qui ont leur originalité. Mais en ma qualité d'homme superflu et verrouillé à l'intérieur, j'évitais constamment d'exprimer ma pensée, d'autant plus que je savais d'avance que je la rendrais formale. Il me semblait même parfois fort étrange d'entendre les autres parler si simplement et si librement. Quelle hardiesse, pensais-je involontairement. Pourtant, il faut avouer que malgré mon verrou, la langue me démangeait souvent. Mais ce n'est décidément que dans ma première jeunesse que j'arrivais à prononcer une parole. En avançant dans la vie, je parvenais presque toujours à me vaincre. Je me disais à part moi, il vaut mieux que nous nous taisions. Et je me calmais instantanément. Nous sommes tous habiles en silence, nous autres Russes. Mais il ne s'agit pas de cela, et ce n'est pas à moi de critiquer les autres. Grâce à un concours de circonstances insignifiantes, mais importantes pour moi, il m'arriva il y a quelques années de passer 6 mois dans la ville district O, point de suspension. Cette ville était fort incommodément bâtie sur le flanc d'une montagne. Elle contenait environ 800 habitants. La pauvreté y était extrême, les maisons n'y ressemblaient à rien de connu. La rue principale était obstruée, par-ci, par-là, d'immenses plaques de pierre calcaire brute qui tenaient lieu de pavés et forçaient même les télégaves à un détour. Il y avait une place principale, d'une malpropreté incroyable, au centre de laquelle s'élevait un petit bâtiment percé de trous sombres. Ces trous abritaient des gens à larges chapeaux qui faisaient semblant de se livrer au commerce. Là aussi figurait une haute perche bigarrée près de laquelle on avait placé par ordre, sur l'invitation des autorités, une charrette de foin jaunâtre autour de laquelle rôdait une poule appartenant au gouvernement. Pour tout dire, on vivait misérablement dans cette ville d'eau, point de suspension. Dès les premiers jours de mon séjour, j'y faillis devenir fou d'ennui. Je dois avouer que, quoique je sois certainement un homme de trop, ce n'est pas que je l'ai voulu ainsi. Je suis malade moi-même, mais je déteste tout ce qui est malsain. Je n'ai pas fui le bonheur, j'ai même essayé de l'atteindre, en prenant à droite et à gauche. Aussi n'est-il pas étonnant que j'aie la faculté de m'ennuyer comme tout autre mortel. C'était des affaires de service qui m'avaient amené dans la ville d'eau, point de suspension. Terence a décidément juré de me faire mourir. Voici un échantillon de notre conversation. Terence. Mon Dieu, petit père, qu'écrivez-vous donc toujours là? Cela ne vous vaut rien d'écrire ainsi. Moi. Mais, Terence, je m'ennuie. Elle. Prenez une tasse de thé et couchez-vous. Dieu fera en sorte que vous transpiriez et que vous dormiez un peu. Moi. Mais je n'ai pas envie de dormir. Elle. Ah, petit père, pourquoi parler ainsi? Que le Seigneur vous bénisse. Couchez-vous, couchez-vous, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. Moi, je mourrai de toute façon, Terence. Elle, que Dieu vous bénisse, vous dis-je. Eh bien, faut-il vous donner du thé? Moi, je n'ai plus une semaine à vivre, Terence. Elle, hi, petit père, que me chantez-vous là? Je vais préparer le samovar. Oh, créature décrépite, jaune et édentée, se peut-il que je ne sois pas un homme, même pour toi?